Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle demi-saison de Hellbanger, le rendez-vous métal le dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. De base, c'est vrai qu'on avait annoncé un retour de l'émission début septembre en direct, finalement pour différentes raisons, ce sera le cas que dans une paire de semaines. On est donc sur une émission de nouveau en différé pour ce démarrage de deuxième partie d'année 2022. Plein de super choses à s'écouter pour ce démarrage de demi-saison, avec plein de groupes qui accusent la trentaine d'années en 2022, des groupes qui nous sortent leurs 10 et quelques nouvel album studio. Donc voilà, on va se brosser tout ça tout au long de l'émission, de la diff internationale, de la diff nationale, et puis plein de styles qui seront brossés tout au long des 2 heures qui nous attendent. 2 heures que l'on va ouvrir tout de suite avec 2 vétérans, chacun dans leur style de la scène. Nous avons tout d'abord le 16e album studio de Megadeth, le groupe bien sûr de trash californien qui lui approche les 40 ans de carrière, un album qui voit le jour 6 ans après Dystopia. Le line-up est assez dingue autour de Dave Mustaine sur ce nouvel effort studio de Megadeth. On retrouve donc Kiko Loureiro à la deuxième guitare, Dirk Verburen qui tape à la batterie, et en bassiste de session, ce qu'on se rappelle du Micmac qu'il y a eu il n'y a pas très très longtemps, où Mustaine a viré bassiste historique de Megadeth. Donc voilà, Steve DiGiorgio qui vient gratouiller sa 4 cordes ce nouvel effort studio de Megadeth. L'album voilà, est tout fraîchement démoulé, et puis un line-up de très haute qualité. Reste à espérer que sur la durée cet album le sera tout autant que son line-up. Et on attaque donc un quatuor de groupes qui accusent une trentaine d'années d'existence et qui sortent là leur 12e album studio. Tout d'abord, le trio infernal venu du Brésil, Krishun, actif donc depuis le début des années 90, qui sort son 12e effort studio. On est sur du death frontal, classique, un peu plus inspiré cependant, et abouti, je dirais, que les deux précédents qui étaient un peu en pilotage automatique, même si Crisune ça reste ultra efficace à s'écouter. Voilà donc pour l'ouverture de ce soir, Megadeth, We Will Be Back, avec l'album The Sick, The Dying and The Dead. Crisune avec le morceau Sword Into Flesh, extrait de l'album Mortem Solis. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission, c'est parti. Let down your guard, full on frontal attack. I'll be back. encore des pas tout jeunes pour la doublette suivante, Belphégor, Blind Guardian, une doublette qui nous vient de l'autre côté du Rhin. Belphégor, pareil, une trentaine d'années d'existence, 12e album studio, comme Krishun donc. Les Autrichiens qui nous sortent, pareil, un peu comme Krishun, un album avec une recette qui n'évolue pas trop, un Black Death bien identifiable, avec des passages ultra blastés, dévastateurs, et des moments plus mid-tempo atmosphériques, et toujours cette alternance de textes chantés en anglais et en allemand. Voilà, Belphégor, ça reste cependant toujours efficace, et je dois avouer que depuis une petite dizaine d'années, c'est redevenu vraiment ultra cool sur scène. Ils avaient perdu un petit peu d'intérêt à mon goût un peu avant ça. Et là, c'est revenu vraiment à fond de cale. Et Blind Guardian, également 12e album studio. Là, ils sont à 35 ans d'existence en 2022. Les Allemands de Blind Guardian, qui avaient sorti un album essentiellement orchestral en 2019, reviennent en 2022 à un album vraiment au power speed bien bien bien musclé, où là vraiment les guitares reprennent leur place plutôt que les orchestrations, c'est toujours aussi épique. Et puis, Hansi Kirsch est toujours un vocaliste extraordinaire. Belphégor, Blind Guardian, donc c'est la doublette à venir. Belphégor, Totentanz, Danse Macabre, extrait de l'album sobrement intitulé The Devils. Blind Guardian, Violent Shadows, extrait de l'album The God Machine. Et c'est une double sortie, Nuclear Blast version 2022. C'est parti. Une doublette de violence vite expédiée à venir avec tout d'abord les Singapouriens de Wormrot. Le groupe de Grind ++ nous sort là son quatrième album studio, 6 ans après l'excellent Voices. 21 titres pour une petite trentaine de minutes, du grind très riche, très varié. Voilà, ce qui permet vraiment de distinguer les morceaux des uns des autres. Et avec quelques influences et sonorités complètement à l'opposé du grindcore qui viennent se greffer ici et là pour un rendu vraiment, comme je disais, vraiment riche. L'avenir du groupe est cependant en suspens puisque même avant la sortie de ce nouvel effort studio, le vocaliste a quitté la formation. Wormrot cherche donc son nouveau gueulard. Et en doublette, nous aurons les Ricains de Municipal Waste, le groupe de trash crossover qui sort son 7e album studio. Une vingtaine d'années d'existence. La recette est à peu près toujours la même pour Municipal Waste. Une quatorzaine de titres pour à peine 35 minutes de musique. Titres expédiés de manière assez efficace et frontale. Puis ça s'écoute toujours aussi bien et avec toujours autant de fun Municipal Waste. Wormrot, Desolate Landscape, extrait de le nouvel album studio S, une sortie Irish Record. Municipal Waste, également une sortie Nuclear Blast, le morceau High Speed Steel, extrait de l'album Electrified Brain. C'est parti, Wormrot, Municipal Waste. Yeah. Encore des vieux, me direz-vous, avec une autre formation venue de l'est de la planète, enfin selon notre point de vue bien sûr. 12e album studio pour le groupe japonais SIG, qui comme Crijoun, Belphégor et Blind Guardian accuse une trentaine d'années en 2022. Voilà, le groupe est toujours au début des années 90. SIG, musicalement, c'est extrêmement riche, varié. On est sur un espèce de black metal avant-gardiste, et même si on pousse la description un peu plus loin, on est sur un groupe qui peut passer d'un black thrash ultra vénère à un black doom hyper pesant. Voilà, et au milieu de tout ça, on y retrouve du saxophone, des orchestrations, un piano, et depuis peu, même de la flûte. Et les parties de guitare et les solis sont typiquement heavy metal 80. Voilà, donc ça reste cependant pas du tout le foutoir dans la musique de Sig. C'est ultra riche, c'est certes varié, mais surtout cohérent. Et le titre qu'on s'écoute aujourd'hui, il est vraiment direct et dans cette fameuse veine trash black. En doublette avec Sig, on retrouvera dans un style totalement différent le groupe de Doomstoner anglais qui sort là son cinquième album studio. On est toujours sur donc, du doom bien bien bien massif, une approche monolithique, cependant pas chiante et répétitive. Et le titre qu'on va s'écouter ce soir, vous allez voir, il y a, enfin entendre plutôt, il y a même des passages où il y a même carrément du blast. Voilà, ce qui vient encore plus trancher avec les parties doom écrasantes et pachydermiques de ce nouvel studio de Conan. Sig Suja Etseku, extrait de l'album Chiki, une sortie Peaceville Records. Conan, Ritual of Anonymity, une sortie Napalm Records. L'album s'intitule Evidence of Immortality. C'est parti. Yeah. Encore de la brutalité avec la doublette suivante, Organic Tommy Exis. Organic Tommy tout d'abord, troisième album studio pour la jeune formation néo-zélandaise qui a vu le jour il y a une petite dizaine d'années. Organic Tommy, bah, je les ai vus il y a quelques jours sur la scène du Death Fest en Allemagne. Un groupe de Death Slam à suivre de près, parce que bah, ma foi c'était terriblement efficace. Et Exis, ensuite le groupe qui nous vient du Danemark, qui nous fait du blackening hardcore, un peu sludge, qui vient tout d'abord de signer chez DB Mur Morti Productions pour son nouvel effort studio, 12 titres pour 45 minutes de musique, des compos qui alternent autour d'une minute 30 jusqu'à 6 minutes. Mes excuses pour l'éternuement désagréable, mais bon, on ne coupera pas ça au montage pour faire comme si c'était du direct. Voilà pour Exis, et puis le groupe se lance toujours dans des tournées absolument marathonesques et terribles. Organic Tommy, on s'écoutera le morceau Concrete, extrait de l'album Nail Below Nail. A noter que ce nouvel studio de Organic Tommy voit le jour chez Unique Leader. Exis Nunquam, extrait de l'album Aeternum, une sortie donc pour la première fois chez DB Mio Morti Productions. C'est parti! Marius! Comme annoncé au début de l'émission Hellbanger de ce soir, que vous suivez actuellement sur les ondes du 93.6 jusqu'à 23h, même si on change de demi-saison 2022, la recette ne change pas. Après une grosse diff internationale, on passe à la, à peu près, demi-heure consacrée 100% à des sorties françaises. L'aspect française est donc ouverte ce soir par Mourir et Sacral Night. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de présentation de ces deux formations? Eh bien, Mourir, c'est le deuxième album studio du groupe de Black venu de Toulouse, après l'excellent Animal Bouffe Animal qui était sorti début 2020, qui nous avait mis une belle claque. Des compos très riches qui vont toujours de 4 à 9 minutes, c'est dérangé autant que c'est dérangeant, c'est putain d'étouffant, et ça n'est pas sans rappeler, bien logiquement, les autres Toulousains de Plebeian Grandstand, puisque d'ailleurs ils passent à un membre en commun, puisque le vocaliste-guitariste de Mourir n'est autre que le bassiste de Plebeian Grandstand. Voilà donc pour la présentation autour de Mourir et Sacral Night, un petit All-Star Band qui réunit des anciens membres de Necrowatch, Manzer, Auriac et un actuel membre de Régiment. Sacral Night nous propose du heavy grenoblois, actif donc depuis 2017, second album studio avec un EP entre temps. Un heavy donc chanté en français dans un registre plutôt old school, ça manque un peu de patate au niveau de la prod, et cependant ça reste du heavy français bien solide, qui chouille juste comme il faut, et ben, c'est ça qu'on aime tout simplement. Mourir, bâtard égaré, extrait de l'album Disgrâce, une sortie toujours chez Schrotzrunner Records. Sacral Night, l'archange aux yeux de feu, le diadème d'argent, c'est le nom de l'album, c'est parti. Yeah! continue l'aspect française avec un groupe que nous avons accueilli à Tours mi-juin, qui était sur la route du Hellfest, et ils sont en doublette avec un autre groupe qui a pu se produire sur la Hellstage de cette année, Pilori Mormibun. Pilori, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette formation qui nous vient de Rouen ? Eh bien, c'est tout simplement leur second album studio, très prolifique, hein, puisqu'il sort un peu plus de 2 ans après Anomor, puis bah, toujours très, très qualitatif. 10 titres pour à peine 30 minutes, et un peu comme Exis, on retrouve des titres très brefs, comme des titres qui avoisinent les 5 minutes. On est toujours sur du... Blackening Grindcore, un peu sludgy par moment. L'extrait de ce soir fait partie de la catégorie moins de 2 minutes, hein, c'est brutal efficace. Et en doublette avec Pilori, Mormibun. Je vais être tout à fait honnête, je n'avais à aucun moment imaginé que l'on diffuserait ce groupe de pirate metal clissonné, même si je connais personnellement les membres du groupe. Le premier album m'avait assez peu convaincu, et puis le pirate metal, j'avoue que je suis un peu éloigné de cette scène-là. Et il faut bien avouer qu'à l'écoute des premiers extraits disponibles de ce nouvel effort studio, on se rend compte que le groupe a mis les gros moyens en termes de compo, de son. Grosse évolution globale, petite mention spéciale pour le chant, enfin, on a l'impression d'avoir un espèce de pirate, mais pas le bouffe crado, hein. C'est plutôt l'espèce de goguenard un peu remisé, qui nous raconte plein d'histoires super cool sur fond de un peu heavy folk. Et bah ma foi, ça passe très très très très bien. Donc voilà, second album studio pour le groupe de pirate metal qui en plus chante en français. Voilà, on passe juste à côté des écueils de, alors avec de très gros guillemets, de la boufferie qu'on pourrait retrouver dans le pouet-pouet metal. Et Mormibun tire vraiment son épingle du jeu avec des compos qualitatives en tout point. Et bon, faut dire ce qui est sur scène, ça emmène. Pilori, le morceau Meurtrière, extrait de l'album Quand bien même l'enfer et le déluge s'abattraient sur nous. À noter que l'album sort sur une dizaine de labels pour les différents supports, vinyle, tapes, CD, et puis distribution européenne et aux quatre coins du monde. Mormibun, l'album s'intitule de Charib de Ancilla, et on s'écoutera le morceau Japon, le règne de Wata Tsumi. C'est parti. We'll be right back. divinité règne ici-bas. Après être revenu du monde des enfers, de purifier son corps, Izanagi décida.